sans dire rien. Regardez avant si ça collait. Je ne te comprends pas. En vini en palais bas. En m'en dire si vous voulez en mémoire. Je ne te comprends pas. J'ai voulu te raconter une histoire d'amour qui fait planer. Je ne te comprends pas. Dans un rêve imaginé, avec toi on pourrait s'envoler. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Chanson qu'on écoutait, serrée contre moi, tu me disais. Je ne te comprends pas. Les mots ne suffisaient pas quand je t'ai gardé entre mes bras. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas. Je ne te comprends pas.